le Grand Montréal, êtes-vous prêts? Parce que nous, on est prêts. La Clique urbaine, la nouvelle émission de Web Radio, arrive bientôt dans vos oreilles. Des sujets d'actualité chauds, des débats enflammés, des nouvelles, des potins, des idées sorties, des arts et spectacles, de l'humour et beaucoup plus encore. Ça s'en vient très bientôt. Restez aux aguets sur notre blog clicurbaineradio.wordpress.com.